Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Cindy. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, Cindy, c'est maintenant sur Skyrock. Avant dernière semaine de Planet Rap, avant la fin de la saison, Cindy, avant les vacances. Oui. Et toi, t'es pas en vacances. Alors là, non. Par contre, ça va charbonner cet été. Pas du tout. Ça va vacances. Ça va très bien, merci. Et toi? En pleine forme, ça y est? Oui, il est là. Tu l'as dans tes mains? Oui. Il s'appelle Selfie. Selfie, ouais. Bah, on a pu suivre un petit peu toute la construction parce que c'est vrai que Selfie, il porte bien son nom. Chaque fois, dès qu'il y avait une petite photo. Exactement, hop, un selfie. La couverture de l'album, etc. La cover de l'album. Exactement. T'as tout balancé. J'ai tout mis. Sauf les sons. Qu'on va pouvoir découvrir. Que j'ai gardé en inédit pour. Voilà. Pour le Planet Rap avec cet album Selfie à découvrir entre 20h et 21h. C'est ça. Et puis, autre nouveauté aussi, désormais, les sorties, les disques sortent le vendredi. Le vendredi, ouais. Je suis la première sortie française. Enfin, je suis pas la seule qui sort le vendredi 10, mais je fais partie des premiers à sortir les albums les vendredis. Et ça, c'est dans le monde entier. Ce sera toujours. C'était comme ça dans le monde entier. On était les seuls à sortir le lundi. Et du coup, en France, la France a décidé enfin de sortir les vendredis. Je crois qu'il y avait d'autres pays. Hein. Les États-Unis, c'était le mardi. Enfin, ça avait changé entre temps aussi. Mais c'est vrai que là, ils vont y uniformiser. Ouais. C'est donc, ça, toutes international, les sorties, le lundi. Désormais, c'est le vendredi. Et donc, ton album va arriver avant lundi prochain, ce qui est une bonne nouvelle aussi. Exactement. Vendredi, dans les bacs, vous pourrez vous procurer l'album de Cindy. On pourra fêter ça en live aussi vendredi entre 20 et 21. On a une belle semaine à passer ensemble. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es contente? Est-ce que tu es bien? Je suis très, très contente d'être là. Et enfin quoi, enfin il sort et enfin je le donne au monde. Bon, en même temps, c'est un parcours aussi quand même assez rapide, Cindy, t'as conscience de ça? Ça allait vite quand même. T'as 19 ans? 20 ans maintenant. 20 ans, pardon. Attention. Merde. Je rigole. Moment. J'ai oublié une année. Ah, pardon, 20 piges. Bravo. Non, je rigole, mais je les ai eu jeudi aussi, tu pouvais pas savoir. Joyeux anniversaire, Cindy. 20 ans. Comme l'année dernière, alors, à chaque fois je viens là pour mon anniversaire. C'est vrai, grosse soirée, gros truc, pas non, pour tout, les 20 ans, rien? Pas tellement, non. Un peu loin des proches cette année, puisqu'il faut travailler, mais voilà. Bon, une année en tout cas qui sera studieuse. J'espère. Après avoir passé quoi? C'était l'an dernier, t'avais le BEP aussi que tu passais? Non, le bac. L'année dernière, j'ai eu mon bac. Ouais. Et puis cette année, j'ai rien passé. Bah si, il y a quand même une belle sortie. J'ai eu mon album. Voilà. Il y en a qui auront les résultats aussi vendredi. Bon, il y a des résultats qui vont arriver dès demain, mais jusqu'à vendredi. Il y en a eu aujourd'hui aussi. Voilà, aujourd'hui. À ceux qui ont eu leur BTS. Et courage aux autres. Et puis vendredi, voilà, sortie de Selfie, cet album de Cindy qu'on va découvrir. On va revenir sur ton parcours. Des invités aussi que je vois dans le studio. Il y en a un qui est arrivé, un petit peu de retard. Mais on en parlera plus tard. On les présente dans un instant. Juste avant, on va se plonger directement dans l'album. On a prévu un petit medley. C'est parti. De cet album de Cindy. Écoutez ça. Planet Rap. Planet Rap. Dis-moi Planet Rap. Planet Rap. Tout perdu, l'amour et la foi. Seras-tu, seras-tu près de moi? Oh, oh, oh, si je n'ai plus la confiance en moi. Seras-tu, seras-tu près de moi? Planète Rap, Planète Rap. Le Planète Rap avec Cindy, qu'est-ce qui se passe, Cindy? Ça y est, ça commence. C'est, bah, y a Sultan qui est avec nous. Ouais, on peut le présenter maintenant. Voilà, bonsoir Sultan. Ça va bien, bonsoir, Sultan. Bonsoir. Qui découvre aussi l'album en même temps, parce qu'a priori, de ce que j'ai compris, j'ai tendu une oreille, t'as pas invité. Bah, en fait, il y a une fille dans le studio, elle était en train de pleurer en entendant le dernier son de Cindy, le piano voix. Donc, je pense qu'elle a réussi à faire jouer l'émotion. Bravo Cindy. Merci. Bravo. Bravo. Sèche tes larmes, t'es pas belle quand tu pleures. Bienvenue Sultan, comment on va enfin, tranquille, ouais, toujours la pêche. Hein. Content de voir grandir la petite frangine. Ouais, c'est sûr. Hein. Là, premier projet solo, donc on est venu pour soutenir et ça fait plaisir de voir que derrière Team BS, il y a eu la naissance d'une nouvelle artiste, on va dire. Ouais, ça sort de. C'est mignon ça. C'est très mignon, ça sort vendredi le projet. C'est ça, vendredi 10 juillet. Selfie, et donc évidemment, Sultan rappelait le parcours aussi, cette Team BS avec Fababy, avec la Fouine aussi. Ça. Toi, tu gardes quoi en tête de tout de ça? De très très bons souvenirs. Une année, je regroupe ça dans une année, même si ça a duré un peu plus longtemps. C'était vraiment génial quoi. Vraiment beaucoup de bons moments, des engueulades aussi. Ah, pas avec moi. Ah si. Non, c'est avec Fababy. C'est vrai, mais aussi avec toi parce que tu le défendais. Ouais, mais c'était la solidarité. Ça ne ressemble pas pourtant. Les garçons ne sont jamais d'accord avec les femmes de toute manière, donc voilà. Et voilà, ouais, vraiment beaucoup de bons souvenirs, que ce soit sur scène, pendant les moments de. Bonsoir. Continue. Voilà, ne sois pas distrait. Tous ces moments de partage qu'on a vécu, et voilà, j'ai appris beaucoup de choses et c'était génial. Bon, et bah très bien, on va pouvoir découvrir ça. Donc, c'est quoi? Tu le résumes comment cet album? C'est le passage entre l'adolescence à l'âge adulte, une nana qui boucle est bouclée. Voilà, la boucle est bouclée. Oui, c'est le début de Cindy toute seule. Voilà. Et bah, on va pouvoir découvrir ça. Tu as été interrompu pendant que tu parlais de. Oui. Oui, de ces souvenirs de Team BS, bah oui. Qui vient d'arriver, David Carrera, qui est avec nous, j'arrive. Comment ça va, David? Ah ouais, en plus, toi, tu te lèves. La politesse, c'est grave, hein? Non, mais attends. Moi, c'est pas levé pour me dire bonjour. Non, mais attends, regarde, elle oublie toute l'antenne, il y a David qui arrive. Oh, attention, se calmer direct, hein? Non, je rigole. Non, mais attends. Donc voilà. Alors pourquoi David est là? Tiens, bonne question déjà. Première question, on comprend, il y a l'histoire, il y a Team BS, etc. Ouais. Donc David avait eu la gentillesse de m'inviter à son Planète Rap. Et j'ai appris il y a peu que Sultan et David, justement, ont fait un titre ensemble qui s'appelle Piqué. Et je me suis dit que c'était intéressant de les inviter tous les deux le même soir. Comme Gérald? C'est ça. Non. C'est cool. Ça, c'est je rigole par blague. Politesse, ouais. Ah, je suis en fin de saison, hein, vous m'en voulez pas, les gars. Hein. On va y aller tranquille. Comment ça va, David? Ça va, et toi? En pleine forme. Cet album, c'est la boucle est bouclée en permanence. C'est un petit peu. Oui, en fait. Ce qui revient, parce que David, t'as m'invité au Planète Rap. C'est ça, tu l'invites. Je l'invite, ouais. Donc voilà. T'as écouté, toi, David, ou t'as pas écouté rien du tout non plus? Non, j'ai écouté. Sans mentir. Non, sans mentir, j'ai écouté le premier single. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Cool. Vraiment, je trouve qu'il y a. C'est de quel morceau, tu parles? C'est. Voilà, c'est ta dite. Sans rancune. Non, mais c'est ce qu'il redonne quand même. C'est le morceau avec lequel on va débuter là tout de suite. Sans rancune. C'est ça, on va l'envoyer tout de suite. Et je trouve que c'est très très fort le morceau. Et non, c'est frais. C'est frais, il y a du groove, c'est bien. C'est cool, vraiment. Merci beaucoup. Et bon, on va pouvoir le découvrir cette semaine. La sortie, c'est vendredi. Et on l'écoute sans rancune. Allez, c'est parti, on se retrouve. On voit maintenant. Tu dis qu'on rêve, mais ça vaut la peine. Tu dis qu'on rêve, mais ça vaut la peine. J'ai tout ça tatoué. La vie m'a rien donné, mais je suis pardonnée sans jamais me lamenter. On peut décrocher la lune, l'impossible est plus encore. Même si je dis sans rancune, j'envoie tout dans le décor. J'ai pas peur de blesser mon présent, mon passé. J'ai tout ça tatoué. La vie m'a rien donné, mais je suis pardonnée sans jamais me lamenter. Tant de choses à l'intérieur que je n'ai pas su montrer. Un jour tu ris, un jour t'as peur. J'apprends à surmonter. La vie, elle, a tout pour plaire. Si t'avances sans laisser tomber, moi aussi, je connais la galère. Mais je vais pas succomber. Tu dis qu'on rêve, rêve, mais ça vaut la peine. Tu dis qu'on rêve, rêve. Prisonnier du quartier jusqu'à ce que le rap me délivre. Donner avec le cœur, on n'apprend pas ça dans les livres. Avec passion, chante ma génération. On finira tous aveugles avec la loi du talion. Silencieux, j'entends mes sœurs qui prient encore. Car dehors, on t'accuse, accuse à tort. Ici, l'espoir vaut de l'or. Quand l'échec est mis à mise à mort. Mise à mort. À l'instant, sur Skyrock, le morceau avec La Fouine, le morceau qui s'appelle Sans Rancune. Exactement. Et quelqu'un d'important aussi sur... Alors, La Fouine, on va y revenir, évidemment, mais Scalp. Ouais, Scalp, qui a voilà, bossé, c'est une prod de Scalp, ouais. Qui a beaucoup bossé. Il a fait deux titres sur l'album. Johan et Rami, qui fait partie de qui faisait partie de son... Comment dire, de son staff. Entreprise, disons, ouais, de son staff. On a fait 9 et Nazim en a composé un ou deux. Oui, c'est l'équipe Skalpovic. Voilà, c'est l'équipe Skalpovic, ouais. Qui ont bossé, qui se sont impliqués. Exactement, ouais. C'est quoi, combien de temps en tout l'album, Cindy? Beaucoup de temps, parce qu'on prenait un petit peu des mauvaises directions au début. Et une fois qu'on s'est bien posé, on va dire que l'album a pris 2 mois à se faire. C'est quoi le plus dur? Le plus dur, c'est de trouver où tu vas et comment tu y vas. Mais voilà. T'avais les textes et tout, parce que alors, il faut le dire aussi, c'est pas toi qui écris les textes, il y a quelques textes. J'ai écrit un texte, voilà, un texte dans l'album. Dessus, mais je pense que tu parles aussi avec les auteurs. Enfin, c'est les gens. Ça, exact. Bah, bien sûr, je suis avec les auteurs avec Nazim, puisque c'est lui qui a écrit. Quand il écrivait, on était ensemble et je lui disais voilà de quoi je voulais parler. Quand ça me plaisait pas, je lui disais tu crois pas que là on pourrait mettre ça, tu vois. Enfin, on avait vraiment. C'était du dialogue, donc voilà. C'est quoi? C'est parce que tu te sentais pas non plus la force d'écrire C'est plus. En fait, c'est manque de temps, manque de. J'étais trop de pression, je pense. Sur le deuxième, j'écrirai un peu plus. Voilà. Il faut digérer un petit peu tout ça, il faut voilà. Exactement, ouais, comprendre ce qui t'arrive quoi. Donc voilà. Bon, tu l'as compris. Oui, ça y est, je commence. je commence à comprendre. Et quand je disais, on va dire aussi évidemment un petit mot sur La Fouine, parce que La Fouine est un personnage incontournable autour de cet album. C'est lui, alors qu'il te repère dans une émission de télé. Exactement. Popstar, pour la faire rapide, tu l'as raconté tellement de fois cette histoire que t'en peux plus. Je me repère, donc je passe le casting de Popstar. T'es repéré. Je rentre dans l'émission, je suis éliminée en finale. La Fouine était dans le jury, il me rappelle 15 jours après, on commence à travailler ensemble. Mais ça s'est vraiment passé comme ça, quoi. Ça a été vraiment au bout de 15 jours. Vraiment 15 jours pile. T'arrives parce que tu vis avec tes grands-parents aussi à l'époque. Exactement. Donc, les grands-parents débarquent, tout le monde débarque. C'est ça, tout le monde débarque, puisque j'étais mineure, donc je pouvais pas venir toute seule. Et puis voilà, peu à peu. Toi, tu viens de Royan, on rappelle. Exactement, hein, de Royan. Bisous, Royan. Ça te manque? Oui. J'aime trop ma petite province, je te promets, j'aime trop ça. C'est vrai? Tu y retournes aussi, tu y retournes un petit peu, quoi. Si, j'y retourne de temps en temps, ouais, j'y retourne. Quand je peux. David, tu connais Royan? Bien sûr. ça avait l'air d'une sincérité extrême. Non, c'est vrai. Moi, je suis nié. Sultan, suis t'inquiète pas, ton tour arrive. prépare-toi sur Royan. Prépare un petit truc. Non, mais j'ai de la famille là-bas. Tonton José, il est de là-bas. Ah bon? C'est vrai, je déconne. Mais c'est un mytho. Regarde, ça se voit dans son œil qu'il est mitane. Toute la famille à Champéry et à Chantal. C'est ça, en fait. Il y a le 9-4 et il y a Royan, en fait. Pour retrouver toute la famille. Non, Royan, tu n'as pas joué, tu n'as pas emmené te balader sur les plages, la plage de Royan. Non, pas encore. C'est bon. J'ai hâte de rencontrer. J'ai hâte de connaître. La ville de Royan. Sur le temps, pareil, toi, tu connais. Moi, je connais parce que quand on était plus jeune avec la MJC, on allait. En vacances. En vacances, ouais. Comme il y a la mer là-bas. Voilà. Tu te souviens pas les mecs qui débarquaient Tu vois pas les genres de banlieusards? Non, mais les mecs du 9-2. Les mecs du 9-2 qui débarquaient pendant l'été. Tu vois un petit peu le genre ou pas? Je trouve vous êtes croisés à une époque. C'était dans les genres de les bails de camping, tout ça, tu vois. C'était incroyable. Il y a des grandes histoires, à mon avis, à Royan. Ah ouais, Royan, ouais. Cindy, l'album, il sort vendredi 10 juillet. Exactement, on va le aujourd'hui j'ai mis un autre single. Excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y. Donc il y a le single aujourd'hui S'envoler qui est disponible. On va l'écouter dans un instant. Je vais vous faire écouter maintenant. Je voudrais juste faire une parenthèse, puisque j'organise aussi un petit concours avec le Snap de Skyrock. Où j'ai demandé donc à tout le monde d'envoyer les selfies sur votre Snap. Pour que, en fait, vendredi, je vais en sélectionner 5. On sélectionnera les plus drôles, les plus originaux. Et je ferai remporter mon album à ces personnes. Magnifique. Et peut-être autre chose. Donc bombarder de Snap, allez faire un tour dessus. C'est sur le nôtre, hein, c'est sur le vôtre. Sur le Skyrock officiel, vous allez faire un tour. C'est ça. Vous bombardez de photos. Selfie, c'est quoi? Il y a tout à fait. Selfie, je sais pas, avec ton. Tu juges sur quoi, toi? Ceux qui me font marrer et qui sortent un peu du lot, quoi. Très bien. C'est-à-dire un selfie comme ça, tout seul, non. Non. Il faut un selfie original. Il faut une mise en scène. Exactement, dans le selfie. Exactement, ouais, un petit truc sympa. David, on va en faire un. Ouais. T'es prêt à faire à Royan. On va faire un selfie à Royan. Bougez pas dans un instant, on revient, on passera donc ce morceau. Exactement. Et juste avant, il y a le nouveau son de Pharrell Williams qui est arrivé là il y a quelques jours. On l'écoute, il s'appelle Freedom sur Skyrock. C'est parti. Planet Rap. L'émission rap de référence. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Ce soir, en direct avec Cindy sur Skyrock. Le nouveau son de Pharrell Williams à l'instant sur Skyrock. Freedom. Il est bon, le nouveau son de Pharrell à l'instant. Cindy, notre invité toute la semaine entre 20 et 21, un morceau qui s'appelle Sans Rancune qu'on va découvrir dans quelques minutes. C'est ça. S'envoler. S'envoler, pourquoi? Mais il y en a un autre qui s'appelle Sans Rancune. Oui, il y en a aussi un qui s'appelle Sans Rancune, qui est le premier single. Et là, on va découvrir. Et avec lequel on a débuté il y a quelques minutes. C'est ça. Et là, ce sera S'envoler dans un instant sur Skyrock. Un petit mot aussi, parce que il nous disait Sultan et David ont enregistré un morceau qui s'appelle Piqué. Ouais. Qui sort quand, qui arrive quand, qui est. Il est disponible depuis aujourd'hui sur iTunes, donc faut aller prendre ça. C'est un son lourd pour passer l'été. Le clip a été fait, ça y est. Ah non, c'est bientôt là. Là, on part là dans quelques jours. C'est on part. Dans quelques jours, on part. On peut dire où est-ce qu'on part? Ouais, tu peux dire. On part à Lisbonne. Je suis chez lui. Moi, je connais pas. C'est magnifique. J'ai grandi avec des Portugais dans le quartier, donc je vais pouvoir voir. Non mais Lisbonne, c'est leur pays. Moi, je crois d'ailleurs que tu connais un peu Barcelone ou pas? Ouais, Barcelone, ouais. Bah, je crois que c'est encore plus fou même que Barcelone. Ah oui, mais surtout à ce moment-là, là c'est l'été, on est en plein été. Ouais, c'est ça. Là, ils sont défoulés, là. Souffrance pour moi. Là, ça va être la souffrance pour lui. Ah oui, ça va être dur sur le période temps. De jeûne. Période de jeûne, donc là. Je m'abstiendrai de tout écart. Bon, au moins, tu pourras profiter du paysage. Une très belle ville, Lisbonne. Ouais. Magnifique. Je vous conseille vraiment si sur vous aimez voyager, faire la fête, aller vous éclater. Il y a Lisbonne, ou même profiter des paysages comme tu feras toi-même. Où est-ce que t'es sorti, toi, à Lisbonne? Voilà. Tellement d'endroits. Là, tu t'as renvoyé le pic, là, tout à l'heure. Des endroits bien glauques, tu vois. Ah, oh bah, je te remercie. Il est chelou, frère. Mais oui. Mais oui. Tu n'as pas tout à fait tort. Ne bougez pas dans un instant, on va revenir. Cindy. Oui. Arrête de faire des selfies, fait, des trucs. Il y a une petite qui a fait beaucoup de route pour venir me voir. Et elle me cherche, donc je lui explique juste que je suis déjà dans le studio. Mais je t'écoute. Mais elle est où? En fait, elle est en bas. Mais les petites, là. Je la vois pas encore. Hein. Non, mais elle est en bas devant, en fait. Elle n'ose pas rentrer. Ah bah. Donc rentre. Regarde, Fab, elle s'appelle comment? C'est Margot. Margot, viens près de la radio, il y a Fab qui arrive. Tu vas voir Fab non, avec c'est Steve. Je crois que c'est Steve qui est parti. Non, c'est Fab. D'accord. Il y a Steve aussi qui est dans le coin, peut-être qu'ils iront à deux. Et ben, allez-y à deux. Ne bougez pas, dans un instant, on revient avec le morceau qui s'appelle S'envoler. Oui, c'est ça. C'est un extrait de Selfie, l'album de Cindy qui sort vendredi. Exactement. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit Cindy pendant une heure complète ce soir. Planet Rap Cindy. C'est Cindy, notre invitée toute la semaine entre 20 et 21. Elle est là, Sultan nous a rejoint. David Carrera est là aussi. Entre 20 et 21 dans Planet Rap. On va écouter un morceau maintenant qui s'appelle S'envoler. S'envoler. C'est le deuxième single de mon album. La vidéo lyrique est déjà disponible et le clip le sera fin juillet, je pense. Donc fin juillet à guetter. Exactement. On l'écoute? C'est parti, allez, S'envoler. C'est parti. le passé ressurgit et tous ces démons lui reviennent. Ils ont brûlé ses chances au lieu de prendre soin d'elle. Elle soigne son cœur, elle panse ses plaies. Mais certaines rancœurs, on fait avec, on ne guérit jamais. Elle veut rêver, c'est tout, comme les filles des contes de fées. Ça passera. Et parfois, petite, elle se revoit. Elle aimerait se dire que ça passera. Être libre. Le Planète Rap et ce morceau à l'instant. Oui. Qui s'appelle S'envoler. Exactement. Celui-ci, il est extrait de l'album, comme tous d'ailleurs, de l'album Selfie. C'est ça. Premier album pour Cindy, ça y est. Eh oui, ça y est. Ça arrive vendredi. On passe le cap. Désormais, les sorties sont le vendredi. On peut précommander aussi, je suppose, dès maintenant. Oui, depuis un moment, maintenant, elle est en précommande, donc n'hésitez pas à le précommander. Donc, dans un instant, on découvrira un autre morceau. Ce soir, il y a aussi Sultan, David Carrera qui sont là avec nous. Exactement. Entre 20 et 21, des gens aussi importants que tu as croisés dans ta carrière. C'est ça. Alors, Sultan, il y a une histoire particulière. Sultan, normal, avec la team BS. Et puis, David, que j'ai rencontré suite à plusieurs plateaux multi-artistes. Et voilà. Bon, un morceau bientôt. Pourquoi pas? Voilà, mon album vient juste de sortir, donc on va déjà les défendre. Mais... ça s'est loupé. Et voilà, ça pourquoi pas. Mais tu voulais pas trop, je pense, de monde au moins sur ce premier album. Non, à la base, je voulais personne en fait. Parce que comme il y a eu la team BS, exactement, il y a eu beaucoup de morceaux, un album de featuring, je me suis dit que c'était le moment que je me présente toute seule. Et pour Sans Rancune, en fait, c'est Laouni qui a beaucoup aimé le morceau. Il est passé en studio, il m'a dit j'adore et je l'ai laissé poser dessus. Il a posé son 16. Exactement. C'est pour ça que tu n'as pas invité Sultan pour qu'il passe en studio, que d'un seul coup il dit tiens, je pourrais poser un truc dessus. J'aurais pu, mais c'est vrai qu'en fait. On a failli faire un morceau, mais on s'était pas mis d'accord sur le choix des prods, donc on force pas, quoi. Ça se fait naturellement, ce genre de choses. Bon, et la route est longue. Exactement. Il va se passer plein de choses. On espère. Je vais vous présenter maintenant Yanis, F2L de Sartrouville. Salut Yanis. Ça va, Fred, de quoi? Ça va et toi? Cindy, ça va ou quoi? Ça va, merci. Et toi? Tu t'en cool ou quoi? Ouais. David, bien? Ouais, ça va et toi? Obrigado. Obrigado. Obrigado. Bon, toi, tu vas bien? T'es un peu de vacances à Nice, non? Ouais, ça va, petit soleil. Hein. Petit soleil, ouais. Ça va, il fait beau. Hein. Bon petit soleil d'ailleurs. Il fait chaud même. Hein. Ça fait bien plaisir. Heureusement que c'est le temps de la sortie saut de l'été, sinon on sera en train de galérer au check. Hein. Bon, Yannis, ah, okay. T'es prêt à nous balancer freestyle par téléphone? C'est parti? Yes, c'est parti. Coup d'envoi, on y va. Ok. Ça fait Yannis F2L, bra. Funès toujours disponible sur Hot Culture. Ok. Ça fait 1. J'écoute les rumeurs de mes ennemis. Pas les couilles de ton game si je perds dans le vide. On me demandera quand même que je les aide. Donc je pars en trompe. Quand les taux se resserrent, tu creuses ta tombe. Si t'as mal dessert, t'esquives la mort. Pas les imposteurs, tapez du vide. Va pas sortir d'affaire, j'ai confiance en mon équipe. Rafa les on équipe, on tape la brink, c'est ça tous avec les mains vides. Dès qu'il t'a crevé, tu balles dans le dos. Mon seul adversaire, c'est mon égo. Négro, je m'en bats les couilles, ce que les voisins racontent. J'ai vécu seul dans le noir, la pénombre. Combien sont présents quand t'es dans la merde. J'ai su creuser mon chemin tout seul dans l'ombre, négro. J'arrive dans le game pour tous les PC. Viens dans ma tête, tu perdras la vie. Je me vante pas d'avoir vendu au détriment d'avoir perdu la mise. Le game c'est comme un dialogue de sourds, on me comprendra jamais. J'ai voulu prendre la parole, je me suis rappelé que j'étais comme Jamel. Brah. Yannis, F2L. Lourd. Ah, kicker. Ouais, kicker. C'est grave, bien. Ah, il envoie, il envoie. Des fois, il y a des gens bizarres, mais là. Ah, Yannis, il envoie bien souvent rappeler dans l'émission. J'étais passé à l'époque où. Attends, je sais plus c'était quand. C'était quand il y avait Fababy, je crois. Ah ouais? Ouais. T'étais quand passé où à Skyrock? Ouais, c'est à Skyrock. Hein. Ah, ok. Ouais, ouais, il passe souvent, Yannis. En tout cas, lourd. Ouais. Merci, Fred, en tout cas, pour le son que t'as passé dans la nocturne. Ça fait plaisir. Et bah, continue en tout cas. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, il y a toujours une sortie. Bah, il y a une sortie là. Ouais, bah, ça y est, la mixtape, elle est sortie. Elle est sortie le 12 juin sur Haute Culture. Elle est téléchargeable gratuitement. Donc ça va, il y a beaucoup de gens qui ont téléchargé quand même. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent, donc ça fait plaisir. Allez donc faire un tour et vous récupérez la mixtape de Yannis F2L. Exactement, c'est disponible. Merci. C'est dédicace. Vas-y, on t'écoute. Un gros big up à la daronne et aux darons qui sont au taf et qui m'écoutent. Yes. Gros big up à David et aux petits refrains de la cité qui soutiennent. Au manager, à Fabi Rolev qui traverse un moment difficile en ce moment, mais il faut rester fort, hein, c'est la vie. Et voilà, gros big up au manager et voilà, grosse force. Et Funès toujours disponible, allez le pécho. Bon courage, merci à toi. Merci. Ciao, passe une bonne soirée. Yannis, à l'instant, en freestyle, on va écouter un autre morceau avant de passer au live dans quelques minutes. Oui, c'est parti. Qu'est-ce qu'on met? Dis-moi. Bah, allez, dis-moi, c'est parti. Dis-moi, tu préfères. Dis-moi, ouais, comme ça on reste dans la lignée de s'envoler. Très bien, allez, dis-moi, c'est extrait de l'album de Cindy maintenant. Sans un geste, je te changerai les idées lorsqu'elles seront un peu trop noires. Je ne te laisserai plus baisser les bras. Et si ce n'est pas suffisant, s'il le faut, tu sais, je laisserai faire le temps. Je ferai tout, mais avant, dis-moi. Dis-moi, j'ai besoin de savoir. Cindy et l'album Selfie qui sort donc vendredi. Notez bien les sorties désormais. Tu fais partie des gens qui vont inaugurer les sorties. Premiers, ouais. Les premiers vendredi 10 juillet, sortie de l'album de Cindy en précommande. Avec ce morceau qui ouvre l'album, donc forcément une petite référence particulière s'il ouvre l'album. Bah, c'est celui que j'ai écrit. Et il y a un message important derrière. Donc voilà, je raconte un peu mon histoire sans la raconter. Donc voilà. Ouais, mais j'ai envie en fait de laisser les gens se faire leur propre opinion et aimer ce morceau à leur manière. J'ai pas envie de les influencer. Donc ça part de toi. Oui. Ça parle de moi et je parle à certaines personnes de mon entourage, voilà. Des choses pas toujours faciles, ouais, et voilà. À entendre et voilà des choses. Exactement. C'est ça. Ça te fait du bien aussi cet album ou pas alors? Oui, ça fait du bien, bien sûr. J'ai toujours dit que la musique c'était ma thérapie, donc. Toi, t'as commencé tôt en plus. C'était quoi les toutes premières fois? La première fois les covers que tu balançais sur le net. En 2009. C'était 2009 déjà. Ouais, donc ça fait un moment quoi. Tu te souviens de la toute première cover? C'était Rêve d'enfant de Chaim. C'est ridicule. N'allez pas chercher sur internet, s'il vous plaît. Surtout pas. C'était. Franchement, j'aurais pas dû. Enfin, maintenant, je me dis, si, c'est mignon en soi, mais. Qui a écouté, David? Tu as écouté ce. Chaim, enfin le cover fait par Cindy. Non, mais je vais écouter. Bon, on va le récupérer. On va le chercher tout de suite. Vous n'êtes pas obligé à entrer sincèrement. Non, on n'est pas obligé. Je pense que tu pourrais même le jouer tout de suite là sur Skyrock. Ah, faudrait le trouver. Attendons un peu. On vient d'en parler. Tu sais, c'est bien de faire un petit peu un teasing. Dans un instant, ne bougez pas. Non, le tout premier cover balancé sur internet de Cindy, il sera écouté sur Skyrock dans quelques minutes. Aïe. Mais non, mais après voilà, écoute. Non, mais c'est Mimi, mais. C'est un peu ridicule quand même. Enfin, parce que. Non, je me trouve ridicule parce que j'étais toute petite et je fais comme ça quand je chante. Tu vois, genre, j'y crois vraiment. Et puis, donc il faut aller voir en fait. C'est peut-être mieux d'aller voir. Il faut aller l'entendre encore, ça va, mais c'est le voir qui pose problème. Tu te souviens quand j'étais tombé dessus et que je t'avais vu en studio? Et alors, ça a cartouché après. Moi, je regarde, je dis, mais. J'étais mort de rire. C'était trop de ma gueule. Toi, t'as un souvenir, ouais. Bah, en fait, j'avais une vidéo, tu ne penses pas que c'était ce son-là? Mais j'avais une vidéo de Cindy devant sa webcam. C'est quoi? C'est plein d'effets. Ouais, c'est plein d'émotions. Plein de gestes, plein de... Ça va. Oh. Et j'en avais parlé au studio. Et puis on en parle de trahison là. Bébé, je t'aime et tu le sais. Ah bah bizarrement là, c'est plus pareil. Hein. Moi je t'écoutais au collège. Et on peut en parler en effet. Mais parlons-en d'ailleurs. Non mais tu veux jouer? Il y a la deuxième guerre mondiale. Ah, là, sinon, on pourrait commander l'album Selfie. Parlons de ton premier morceau de ta reprise au Portugal. C'était Bacalhau Maria. Bacalhau Maria, ouais. Moi, j'ai pas de dossier, moi. Moi, j'ai des dossiers, mais je les ai tous effacés. Ah, t'as effacé. C'est ça. J'ai trouvé des experts de l'internet, tu vois. J'ai dit, efface-moi tout ça tout de suite. Méfie-toi, parce que parfois, il y a des trucs qui ressurgissent. Ça va trop vite. Tout va trop vite. Est-ce que tu es prête? Tiens, pour un peu de live maintenant. Allez, c'est parti. On fait quoi? S'envoler. S'envoler en live? Oui, je vais la faire en live. Donc le deuxième single qui est disponible aujourd'hui de l'album Selfie. C'est le morceau qu'on a écouté tout à l'heure. Exactement. Le voici maintenant en live. C'est parti. Cindy. A priori, peut-être, tu sais quoi, il faut baisser juste le bain de pied. Non, juste baisser le bain de pied qui est devant vous. Voilà. Hop. Ah, c'est bon. Je pense. Ah non. C'est pas bon. Eh bien, tu sais quoi, nous allons donc régler ce petit problème technique et peut-être mettre exactement un morceau fini. On avait dit Danse Encore. On avait dit Danse Encore, donc c'est parti, on envoie Danse Encore. Danse Encore sur Skyrock, c'est parti. Danse encore. fort. Mais j'ai tort. Au final, c'est toi qui perdras. Vamos, vamos, ya está. Je veux me sauver, tu me rattrapes pas tant. T'es juste épatant avec tes blabla. On m'avait dit que t'aimais faire semblant. Pendant que tu me mens, je m'embarque avec toi. Ça n'a pas l'air de te déranger. Comme un étranger, tu viens, tu t'en vas. Tcha tcha du cœur, tango des regrets. Je vais te faire danser. Tu me délaisses, on ne sait pas. Tu t'en vas quand tu reviendras. Toutes ces belles promesses gardées pour toi. Je n'y crois pas, tu regretteras. Tu me délaisses, on ne sait pas où tu t'en vas quand tu reviendras. Toutes ces belles promesses gardées pour toi. Je n'y crois pas, tu regretteras. Sur Skyrock, un extrait de cette... Chaud, hein, le morceau, David. Tu as tapé 2-3 pas de danse là, sur ce morceau. Calor. Non, il est caliente. Il est caliente, ce il morceau, caliente. Celui-ci. Il fallait bien un morceau soleil. Enfin, il n'y en a pas qu'un, d'ailleurs, mais vous découvrirez ça tout au long de la semaine. Voilà, et, bon. Et Cindy, elle danse dans son nouveau clip aussi. Mmh. Et elle danse. Oui. Ouais. Ça t'a plu, hein? Ça m'a plu. David, toi, ton prochain avec Sultan et chorégraphie qui sont prévues des... Ouais, Sultan, il a une chorégraphie. Déjà, dans le clip de Timbès, 1, 2, 3, on a voulu me faire danser. Et non? Non, j'avais refusé. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est la même chose qui va se passer, je pense. Pourquoi? Je te vois bien en danseur. Hein. Ouais, ah bon? La danse auvergnac. Sérieux, hein? Non, je vais laisser David faire ses petits pas de danse. On pourra découvrir donc le titre qui s'appelle Piqué qui est sorti aujourd'hui et le clip qui arrive prochainement. Ouais, exactement. Cindy, je crois que tout est réparé, on peut passer au live c'est maintenant. Parti, bah, allons-y, c'est parti, si ça marche. Coup d'envoi. Ah, ça marche. Au cœur de la nuit, elle se réveille. Le passé ressurgit et tous ses démons lui reviennent. Ils ont brûlé ses chances au lieu de prendre soin d'elle. Oh, elle a dans les yeux des orages de tempête en perles de pluie. Et elle tourne les pages, mais le livre est terni. Être libre, juste s'oublier, aller chercher l'amour caché et vivre, laisser le passé, avec sa douleur quelques heures s'envoler. Et son âme se promène, son âme se promène, son âme se promène s'envoler. Son âme se promène. Elle soigne son cœur, elle pense ses plaies. Mais certaines rancœurs, on fait avec, on ne guérit jamais. Elle veut rêver, c'est tout, comme les filles des contes de fées. Oh, elle a dans les yeux des visages qui hante ses silences et ses cris. Et elle tourne les... triste vie. Ouh. Être libre, juste sourire, aller chercher l'amour caché, vivre, laisser le passé avec sa douleur quelques heures, s'envoler, s'envoler. Son âme se promène, oh, quelques heures, s'envoler. Son âme se promène. Et parfois, petite, elle se revoit. Elle aimerait se dire que ça passera. Et parfois, petite, elle se revoit. Elle aimerait se dire que ça passera. Être libre, juste sourire, aller chercher l'amour caché et vivre, laisser le passé avec sa douleur quelques heures, s'envoler, s'envoler, s'envoler, s'envoler, juste quelques heures, juste quelques heures, s'envoler. À l'instant en live, Cindy, s'envoler. C'est extrait de l'album Selfie. C'est ça, le deuxième single qui est maintenant disponible. Et ben voilà, S'envoler, c'est ce qu'on écoutait sur Skyrock. Et avant de se quitter, on en a beaucoup parlé. On va balancer le morceau Piqué. C'est parti. Messieurs, let's go. Coup d'envoi, Sultan. Big up Danny Santé à la prod. Allez, c'est parti sur Skyrock. Le clip arrive prochainement. Massa Nassim, Big Kamai. C'est le cœur qui marcelle comme le chien nouvel. Elle est si douce comme la mélodie. Elle a la peau caramel, les cheveux qui pointent au ciel. Elle est brésilienne, elle dit qu'elle est mienne. Jette un œil sur un temps de jalousie. Mais comment te l'expliquer? Si jolie, elle m'a visé en plein cœur. La vérité, je suis piqué. Elle a atteint mon côté de vainqueur. Mais comment te l'expliquer? Si jolie, elle m'a visé en plein cœur. La vérité, je suis piqué. Elle a atteint mon côté de vainqueur. Dès que dame dame benébam, je suis piqué. À l'instant, donc ça c'est un extrait, hein, Sultan. Ouais, extrait de mon album à venir, Condamné à régner, disponible depuis aujourd'hui sur iTunes, Piqué, Sultan feat David Carrera. Avec David Carrera, donc ce morceau. Il y a un mec qui vient de me clasher, je voudrais juste le souligner, parce qu'en fait, il a remarqué, je pense, dans le live que depuis tout à l'heure, je fais ça quand j'essaye de lire. J'ai déjà mes lentilles, mon gars, mais en fait, j'arrive toujours pas à lire, donc je pense que j'ai perdu. Ah oui, il est en train de marquer, mets tes lunettes, si t'arrives pas à bien lire, mais voilà. C'est vrai qu'il est un peu haut. Merci, on va le descendre pour toi d'ici la fin de semaine. Ça marche, merci. Ça va t'arranger. Et donc, ouais, pour l'album, c'est pour quand, Sultan? Je sais pas encore. Tu te mets pas de pression dessus? Exactement. Je suis là, je taffe les morceaux, j'en finis quelques-uns et on verra. Donc morceau qui s'appelle Pique. Et David, toi, qu'est-ce qui se passe là? Les vacances, repos, boulot? Boulot, beaucoup de boulot. Studio? Beaucoup de studio. L'émission aussi. Ouais, aussi l'émission God to Dance sur TNT. Bien sûr, je suis. Voilà. Avec ma copine Mia. Avec ta copine Mia, que j'adore. Et tous les mercredis. Alors qui a gagné? Je peux pas dire. Je peux pas. Je peux pas. D'accord. Mais voilà, tous les mercredis à 20h30, je crois. Et on finit l'album portugais et on commence l'album français. Là, donc d'abord une sortie au Portugal. Voilà, d'abord une sortie au Portugal. Bah, mon premier single qui sort le 10 juillet. Eh bah vendredi. Oh, Pierre. Bah oui, ça va être dans le monde entier maintenant. Sortie Portugal, France, partout. Ça va être les sorties les vendredis. C'est marrant, ouais. C'est et qui s'appelle? Et qui s'appelle Primera Dame. Très bien. Qui signifie? Ça veut dire. La première dame. D'accord, ouais, ça paraît logique une fois que tu le dis comme ça. Mais voilà, ok. Mais je pense, est-ce que tu peux le dire en portugais? Je pense non. Moi, je dis obrigado, c'est tout ce que je sais dire quand je vais au Portugal. Vas-y, ça me suffit. Dis. Obrigado, vas-y, redis. Primera dame. Primera dame. Voilà, très bien. Et c'était pas trop mal. C'est un peu foireux, mais. Excuse-moi ça. Sultan, tiens, prends des cours parce que toi, tu pars bientôt au Portugal pour aller tourner. Je compte sur David, moi, pour tout. Bon, merci d'être passé en tout cas ce soir pour ce premier Planète Rap. Merci beaucoup d'être venu me soutenir, merci. Ça m'a fait plaisir. Il faut prendre l'album de Cindy, c'est du lourd. Donc voilà. On ne peut pas partir en vacances. Et ça s'appelle Selfie. On commande sur iTunes Selfie. Juste avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette et il y a 10 foules juste après en direct avec toute l'équipe. Skyrock t'offre Black M et Big Freoli aux arènes de Bayonne. Mmh. Plus tes 3 places de ciné, les profs 2. Beaucoup de cadeaux cette semaine dans la roulette. Tassi, comment ça va à Paris? Bonsoir. Salut Tassi, ça va bien? Ça va et vous? Bah, je te présente Cindy, il y a Sultan, il y a David. Salut. Qui est là, David Carrera. Oui, avec je connais, enchanté. Eh bah, ils sont là avec nous. Ça va et vous? Ça va très bien. Tu es prête, merci. À faire tourner la roulette, une grosse roulette, hein? Ouais, y a pas de soucis. On vous envoie direction les arènes de Bayonne, 23 et 24 juillet prochain, avec Big Flo et Oli d'abord dans un premier temps. Et le lendemain, Black M. Stop. La roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est. Eh ben voilà, direction Bayonne, 23-24 juillet, c'est pour toi. Merci. Deux places pour les concerts donc de Big Flo Oli et Black M le lendemain. Merci. Et puis des places aussi pour aller voir le film qui cartonne tout, Les Profs 2 en ce moment. On te file carrément merci 3 beaucoup. Places, c'est pour toi. Merci, c'est gentil. Eh ben bisous, vous êtes en. Tu peux passer une dédicace? Ouais, il y a qui avec toi? J'entends rire derrière. Oui, c'est une copine à moi, Célia. Bon, je fais un bisou, je fais une dédicace à mon doudou, il se reconnaîtra. À Agada, Evelyne, Célia, Mira, toutes mes femmes et toute ma famille. Eh ben bisous les filles. Et je fais un gros bisou. Voilà, fais des gros bisous à tout le monde. Merci à vous tous d'être passés. Cindy, demain. Merci à toi, demain. Un petit peu avant 20h, tu seras là. Exactement. Coup d'envoi du Planète Rap et de l'album Selfie. Là, on va retrouver D-Fool et toute l'équipe maintenant. Mais oui, mais oui. Salut Cindy. Bisous. Salut David Carrera. Ça fait longtemps. Obrigado. Obrigado. Et salut Sultan. Salut. Ça fait longtemps Cindy, mais oui, on est toujours ravis de te voir. Tu vois, mais je viendrai vous voir dans la semaine prochaine. Et t'entendre. On allait te le demander, Cindy. Faire quelques génial. Selfies avec l'équipe. Ouais, voilà, on fera des selfies pas ensemble. Pas de problème. Je viens vous voir alors. Eh bien, avec plaisir Cindy. On te retrouve aussi demain, hein, demain 20h, 21h, Planète Rap. C'est ta semaine, demain, oui. Oui, demain. Demain. Ta semaine Planète Rap qui a démarré ce soir. Exactement. Elle a dit de merde. J'ai dit de merde. Oh. J'ai pas dit merde. Rendez-vous à de merde. De merde 20h alors. C'est original. Voilà. Ça va. C'est bien noté. On te fait une grosse bise, Cindy. Bisous. Et à là, c'est parti pour la Radio Libre en direct. Vous nous appelez dès maintenant 01 53 40 30 20. On est là jusqu'à minuit avec toute l'équipe qui est là. On a la clim, on est bien. Ah ouais, putain. Et on va faire péter une grosse soirée avec Nicki Minaj pour démarrer cette soirée. Nicki Minaj et Mama, on va démarrer fort avec Nicki Minaj. Après Cindy, Nicki Minaj, les filles sont en forme ce soir. Hein. C'est ça. Allez, on compte sur vous, les filles, les gars, tout le monde. Jusqu'à minuit, Radio Libre, ça démarre tout de suite. Salut Fredo, ciao. Salut Cindy. Ciao.